Nous voici présents, ô Dieu, dans ta présence. Pour avoir tes présents, accepte nos présents, fruits de nos lèvres qui confessent ton nom. Nous voulons nous souvenir de tes bontés, de ta bienveillance et de ton salut, ô roi éternel. Alléluia. Passe, on te m'a passé. fololo nalona yo na motema nanga yaya yo zali konzi oyo esima misala nanga.